samba, le samba Copacabana. Elle commence à me faire chier. Ma pétasse de copine, elle m'applique des films de cul. Elle pense vraiment qu'à la pine, un soutien-gorge en dentelle. Eh ben il faut pas bander. Et ces porte-jartelles de pute est carrément démodée. Et mes connards de voisins, je crois qu'ils aiment pas la musique. Mais comment leur faire comprendre, la latino ça s'écoute fort. Je me casserais bien à Rio en voyageant en bateau pour ne plus voir leur gueule et pour danser la samba. La samba, la samba, la samba c'est sympa. La samba, la samba Copacabana, la samba, la samba, la samba c'est sympa. La samba, la samba, Copacabana. La samba, la samba, la samba c'est sympa. La samba, la samba, Copacabana. La samba, la samba, la samba c'est sympa. La samba, la samba, Copacabana. Na.